Le Sionor, Kossi, KNM. Flow illimité, pas comme la connexion Skynet. Yeah. 2010. Les rues se ressemblent, mais t'y croises pas les mêmes gens au coin. Tu crois que c'est les mêmes jeunes, mais c'est pas les mêmes joueurs au point. On n'a pas le beurre ni son argent, mais on veut le pain au moins. Pas de là à faire la pute, nous verra pas serrer la pince aux chiens. On veut faire plaisir aux siens, même si pas de plaisantin. Y'a pas de belle plaie sans sel, moi je reste vrai, je dis que l'essentiel. Y'a que la connaissance, mec, on raconte les sans terre. Mon c'est un exemplaire du son qui veut tout foutre en l'air. En l'air seront les mêmes, mais c'est pas parce qu'elles kiffent le son. T'as l'air si con, garçon, ne le sois pas parce que les flics le sont. C'est vrai que les riches le font, moi si j'arrête d'écrire, je tombe. Chez moi, les textes s'entassent et j'appelle ça ma pile de bombes. Y'a plus de bons types de rap s'entassent, mais tous ces types se trompent. Ça sort des bêtrimes, ça s'emballe pour des bêtises, je trouve. On raconte pas l'amour, on a la dalle, j'suis pas là pour perdre mon temps car j'suis encore parti à la bourre. Vas-y, on est chaud, sers donc un verre de Sky, mec, du flow illimité, pas comme la connexion de Skynet. Il faut qu'on Skynet, ici c'est d'être mon pote, ni strass ni paillettes, crois pas que j'baise mon front. Vas-y, on est chaud, sers donc un verre de Sky, mec, du flow illimité, pas comme la connexion de Skynet. Il faut qu'on Skynet, ici c'est d'être mon pote, ni strass ni paillettes, crois pas que j'baise mon front. Texte clair, je donne pas la loupe, c'est pose écriture sous bonne canne à loupe. Rafale sur le beat comme un colt à trois coups. J'aime trop le rap, mais je le cogne par amour. La vie c'est cher, on espère le prix d'amis. J'reste précis comme les experts Miami. Marre de voir que le respect se finalise. J'veux dire à ma mère, pépère, j'y arrive. Ça va cool, y'a comme un air plénitude. Check les rimes pures, j'tape un break écriture. Claire mon big sus et je pèse sur le beat. Laisse ça vient vite, ça c'est Liège sur un fil. Inimitable, t'as comme un train de retard. Pourtant je suis ralenti gros, par mon joint de masse. Parlons bien de rap, c'est qu'aussi je te le rappelle. À la prod Barry Vibes le label. Vas-y, on est chaud, sers donc un verre de Sky, mec, du flow illimité, pas comme la connexion de Skynet. Il faut qu'on Skynet, ici c'est d'être mon pote, ni strass ni paillettes, crois pas que je baise mon front. Vas-y, on est chaud, sers donc un verre de Sky, mec, du flow illimité, pas comme la connexion de Skynet. Il faut qu'on Skynet, ici c'est d'être mon pote, ni strass ni paillettes, crois pas que je baise mon front. 4100, on reste à l'aise, ici c'est pas Paris. On coupe le red label avec du safari. Le temps nous a sagi, pourtant on m'a pas dit que la vie salit les mains sans montrer sa magie. On nique les sales nazis, universal vas-y. N'oublie pas de faire tourner mon son à ta voisine. Ok, on arrive avec des projets lourds. On est venu droit au but sans faire de gros détours. Pourquoi se prendre la tête si on peut faire simple? Tu confonds famille et vrai quand t'appelles ton frère Zac. Génération, internet et prendre la coco soit. J'comprends plus monde comme si j'entendais un coco soir. J'me la joue pas à la Pequeño Tony. C'est la routine quand y'a un frère qui dort au commis. Je sais qui sont mes gassures et si cela te rassure, l'homme est la plus grosse erreur de la nature. Vas-y, on est chaud, sers donc un verre de Sky, mec, du flow illimité, pas comme la connexion de Skynet. Il faut qu'on Skynet, ici c'est d'être mon pote, ni strass ni paillettes, crois pas que je baise mon front. Vas-y, on est chaud, sers donc un verre de Sky, mec, du flow illimité, pas comme la connexion de Skynet. Il faut qu'on Skynet, ici c'est d'être mon pote, ni strass ni paillettes, crois pas que je baise mon front.